franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Autant n'emporte l'histoire, Davis Bend, Mississippi, quand Scarlett était noire. L'histoire que je vais raconter ce soir se passe aux États-Unis en 1872, dans une grande plantation de coton au bord du Mississippi, Davis Bend. L'élégante maison à colonnes ressemble à celle d'Autant n'emporte le vent. On s'attendrait à voir paraître Scarlett O'Hara, virevoltant en crinoline au milieu d'officiers sudistes, ou un oncle Tom, revenant avec d'autres esclaves de la récolte de coton. Mais non, Davis Bend ne ressemble à rien de tout cela. Les propriétaires de Davis Bend sont noirs, les Montgomery, une famille d'anciens esclaves. Avant même la guerre de sécession, l'ancien maître Joseph Davis, un blanc philanthrope, leur avait donné des droits et créé une communauté unique en son genre, en plein sud esclavagiste. La victoire Yankee en 1865 a mis fin à l'esclavage et soulevé un immense espoir chez les Noirs du Sud. Mais le racisme, l'arrogance et les vieilles habitudes ont vite repris leurs droits. C'est ce que Isaiah Montgomery, notre héros de ce soir, va découvrir à ses dépens un matin de mai 1872. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Bonsoir Judith Pérignon. Bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivain. Avec vous, nous allons évoquer une histoire vraie, une histoire bouleversante, on peut le dire, peu connue, surtout du public français, celle de Davis Bend. Alors, comment êtes-vous tombé sur cette histoire, c'est le cas de le dire, et qu'est-ce qui vous a donné envie d'y consacrer une fiction, puisque c'est vous qui avez écrit l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes? Je me baladais dans le Mississippi, et plus précisément du côté de Mound Bayou, avec un photographe, Edward Copay, qui avait découvert cet endroit. Et Mound Bayou, c'est une ville qui a été créée à la fin du 19e par des Noirs, qui se sont dit « là, on sera tranquille, créons notre ville, vivons entre nous ». Et l'un des créateurs de cette ville était Isaiah Montgomery et son cousin, Benjamin Green. Et en fouillant l'histoire d'Isaiah, je me rends compte qu'il vient de cette plantation, Davis Bend, et qu'il s'est passé là, juste après la guerre de sécession, quelque chose d'unique qui n'a pas duré longtemps, c'est que le propriétaire, qui était vieux, qui était un vieux planteur sudiste, et le frère de Jefferson Davis, qui a été le président de la Confédération des États du Sud, a préféré leur vendre la plantation. Et donc pendant quelques moments, quelques mois, ils ont vécu là, dans la maison. Ils étaient les esclaves et ils basculaient dans la maison. Et ils sont devenus les propriétaires. Voilà, en tout cas, ils ont acheté à crédit. Donc on verra que c'est pas si simple que ça. Mais ils sont devenus les noirs dans la maison. Et effectivement, avec des scènes, Scarlett a pu être noire de manière très fugace. Pour bien comprendre l'enjeu de cette histoire, pouvez-vous nous rappeler, Judith Pérignon, comment est née cette guerre de sécession? Quels étaient justement les enjeux aussi de cette guerre? Alors la guerre de sécession, en fait, elle commence juste après, disons, l'élection de Lincoln. Enfin, Lincoln est élu en 1860, et très vite, l'État de Caroline va faire sécession après l'élection de Lincoln. Parce que Lincoln est connu pour sa position abolitionniste. Abolir l'esclavage. Abolir l'esclavage. Et donc les armées vont se former au nord comme au sud, puisque ces États confédérés du sud vont se choisir un président, qui est Jefferson Davis, qu'on va retrouver dans notre plantation tout à l'heure. Et la guerre va démarrer très vite. Alors bien sûr, derrière cette question de l'esclavage, il y a d'autres questions, faut pas non plus se leurrer. Il n'y avait pas un sud très raciste et un nord très progressiste. Être noir aux États-Unis, c'était très dur, et que ce soit au nord comme au sud. Mais le nord était un nord industriel, en plein développement. Le sud, urbain et de l'industrie, avait besoin de cette main-d'œuvre, d'ailleurs, des Noirs. Et le Sud était très agricole, les champs de coton. Et le Nord avait besoin plutôt de protectionnisme pour développer ses industries, ne voulait plus des importations européennes, tandis que le Sud exportait très très bien vers l'Europe, puisqu'ils n'avaient pas de coût de main-d'œuvre, puisqu'ils avaient des esclaves. Donc ils vendaient leur coton, leur sucre, pour rien en Europe. Donc il y avait aussi des intérêts économiques. Plus la question était de savoir qui est le pouvoir ultime dans ce pays qui était encore très éclaté. Et donc c'est ça l'enjeu aussi de la guerre de sécession. Derrière la question de l'esclavage, il y a la question de qui a le pouvoir dans ce pays et quel est le modèle économique. Une guerre très meurtrière, hein, elle fera plus de 600 000 morts en tout. Surtout côté nord d'ailleurs, parce qu'il va y avoir des batailles sanglantes et les généraux du nord vont pas avoir peur de faire mourir leurs soldats. Donc c'est une guerre dont on parle peu ici, mais il y a des champs de bataille qui se visitent encore quand on va aux États-Unis. C'est une guerre qui a vraiment marqué ce pays, et on peut dire que le nord et le sud, c'est une frontière qui existe encore aux États-Unis. Et à quoi ressemblait cette société sudiste, donc des grandes plantations, une société très agraire? Très agraire. En même temps, à l'époque où va se passer notre fiction, on a de moins en moins quand même besoin des esclaves, parce que la mécanisation fait qu'on va pouvoir travailler, mécaniser la récolte. Dans le sud, en tout cas, il y a des endroits où il y a plus d'esclaves que de blancs. Hein. On est à peu près 50% de blancs et de noirs. Oui, 9 millions d'habitants dans le sud, 4 millions d'esclaves, c'est hallucinant. Voilà, donc et ça posera plein de questions pour l'après, une fois que les noirs ne seront plus esclaves. Et quel est le statut de l'esclave, justement? Ah, le statut de l'esclave. Il appartient à qui? À la terre? Il appartient au propriétaire? Au propriétaire. On va l'acheter au marché. On allait au marché. On pouvait vendre une petite fille. On pouvait vendre une femme. On pouvait vendre un homme de 18 ans qui était costaud. Généralement, sur les marchés aux esclaves, on éclatait complètement les familles. Puisque c'est un processus de déshumanisation totale, il ne faut pas qu'il reste un père, il ne faut pas qu'il reste un fils. On vend une bête de somme, quoi, ou une serveuse, ou une domestique, mais leur statut humain leur était dénié. Donc on éclatait énormément les familles. Alors certaines se constituaient en revanche dans les plantations, puisque dans les plantations, ils vivaient dans ce qu'on appelait les schlags, des petites maisons de bois. Logiquement, ils n'avaient aucun droit. Aucun droit de faire des affaires par ailleurs. Ils étaient vraiment dans le dénuement le plus total. Et pas de nom aussi, c'est une chose étonnante. Pas de nom. Parfois le nom de la plantation, mais la déshumanisation allait jusqu'à les priver de nom. Et donc ils avaient traversé comme ça l'océan dans des soutes, avec les chaînes aux pieds et aux mains, comme des animaux. Et très vite, ils vont un peu oublier qui ils sont. La victoire nordiste à la guerre de sécession, donc en 1865, amènera avec elle la fin de l'esclavage, mais cet espoir retombera vite. Pour les Noirs du Sud, on va le voir. On se retrouve, Judith Pérignon, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Davis Bend, Mississippi, quand Scarlett était noire. Un texte de vous, Judith Pérignon, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Réalisation, Cédric Aussir. Un messager est là. Il dit que Jefferson Davis est à Ursino et compte arriver ici après le petit déjeuner. Qu'on envoie la voiture le chercher. Cette visite n'annonce rien de bon. Je sais, Isaiah. On n'a pas versé les traits de ces derniers mois. La plantation est encore loin d'être à nous. Elle n'est pas à lui non plus. Ne te montre pas agressif. Je vais demander à Mary Virginia de préparer les livres de compte. Il vient reprendre la plantation. J'en suis sûr. Étonnant même qu'il ne soit pas venu plus tôt. Tout le monde lui dit « Vas-y, Davis Bend t'appartient. Tu peux pas la laisser aux nègres. C'est la plus belle plantation de la région. Leur place est dans les champs. Comment veux-tu qu'il réclame pas le droit de vote maintenant qu'il dorme dans ton lit ?» Est-ce qu'on lui a dit la vérité? Qu'il n'a aucun titre de propriété sur Davis Bend? Que tout appartenait à son frère, M. Joseph, et que c'est lui qui nous l'a vendu. Mais la vérité n'intéresse personne. Tout le monde sait bien que M. Joseph nous l'a vendu, et personne ne l'accepte. 1er mai 1872, 7 ans que la guerre de sécession est terminée. À 30 km en aval de Vicksburg, sur le Mississippi, quelque chose d'unique a pris forme sur la plantation Davis Bend. Quelque chose d'explosif même. Et Isaiah Montgomery le sait bien. Il est né ici, esclave et fils d'esclave, il y a 25 ans. Et les voilà, lui et sa famille, maîtres des lieux. Ils habitent la Maison Blanche avec son porche aux 12 colonnes. Ils sont propriétaires de 1600 hectares de champs de coton. Le monde semble s'être inversé à Davis Bend. Avant la guerre, c'était un fleuron du Sud. 350 esclaves, 2 belles maisons de maîtres, Hurricane, celle de Joseph Davis, qui dirigeait la plantation, et Brierfield, cadeau de Joseph à son jeune frère, Jefferson Davis, qui n'y séjournait qu'occasionnellement au gré de sa carrière politique et qui devint même pendant la guerre le président des États sécessionnistes du Sud. Alors, quand les armes se sont tues en 1865, Davis Bent est devenu un emblème de la défaite et fut confisqué. Jefferson était en prison. Son frère, Joseph, batailla pour retrouver ses terres, puis, trop vieux pour reprendre les rênes, décida de tout vendre à crédit aux Montgomery, ses anciens esclaves, y compris Briarfield. Il devait immédiatement partir pour Richmond. Son visage était tendu. On n'y voyait même pas la satisfaction ou l'orgueil d'avoir été choisi. Il sentait probablement que cette guerre tournerait mal. Monsieur Joseph m'a demandé de l'accompagner. Un télégramme pour vous, Monsieur Jefferson. Donne. Je me souviens très nettement du jour où Monsieur Jefferson a reçu le télégramme qui l'informait qu'il était désigné président des États confédérés du Sud. C'était en 1861. Isaiah, tu vas jusqu'au bateau avec Jefferson et tu ramènes son cheval. Je me souviens. Monsieur Jefferson ne disait rien. Il ne nous a jamais beaucoup parlé de toute façon. Il n'était pas comme son frère. Une fois au bord de la rivière pour aller plus vite, je l'ai aidé à ramer sur le canot qui menait au bateau. Puis je suis rentré, son cheval accroché au mien. On ne l'a pas revu depuis. C'était il y a 11 ans. Il faut faire la poussière dans l'escalier, battre le tapis de l'entrée et défroisser les rideaux des chambres. Tu crois qu'il va monter ? Peut-être bien. Lorsqu'il va franchir le seuil de la maison, il va l'inspecter, chercher à y retrouver ses marques. C'est lui qui l'a bâti. Mais la guerre a tout effacé. Tu es bien naïve, bien jeune encore, ma fille. Ni sa défaite, ni ses années de prison n'ont changé sa vision du monde, crois-moi. Il ne faut rien attendre de bon d'un homme qui a tout perdu, et pour lui, cette maison ne sera jamais la nôtre. Alors selon toi, tout ça n'a servi à rien ? L'histoire jugera. Je pense juste qu'il nous sera plus facile de plier bagage qu'à lui de renoncer. Mais tu es chez toi ici ? On verra. En attendant, arrête de jouer les demoiselles de maison. Tu veux ? Remonte tes manches et descends, se vase dans la cuisine. Je dois préparer les livres de compte. Ça ne t'empêche pas de passer par la cuisine. Les Montgomery défient tous les stéréotypes. Leur vie n'a rien à voir avec celle des milliers d'esclaves affranchis. Ceux-là ont le choix entre partir vers les villes du Nord, où ils deviendront des ouvriers mis en miettes dans les usines, ou bien rester au Sud, devenir des fermiers pauvres qui louent un lopin de terre à l'ancien maître et reversent en échange une partie des revenus de leur cueillette. Davis Bent est devenue une île. Ce n'est plus une péninsule. Les eaux du Mississippi ont monté pendant la guerre et noyé le chemin. Comme si la nature soulignait à sa façon la chose unique qui s'y passe. Jefferson Davis et son ami, le docteur Beaumar, sont sur le point de franchir la rivière. Jefferson Davis n'est plus désormais que le président d'une compagnie d'assurance. Il vit à Memphis avec son épouse Varina. Il a échappé au grand procès après 2 ans de prison. Toutes les poursuites ont été abandonnées contre lui. La capitale, Washington, veut maintenant la réconciliation du pays à tout prix. Mais lui n'oublie rien. D'autant qu'à la défaite s'est ajoutée la déchéance sociale. Il court après l'argent. Son train de vie d'antan lui manque, sa maison de Briarfield aussi. C'est toujours là qu'il s'est réfugié quand la vie ne lui souriait pas. Que veux-tu ? Leur reprendre ? Bien sûr, Beaumar. On a un peu de temps, mais je compte bien récupérer nos terres. C'était une folie de Joseph que de les vendre au Montgomery. Vous pouvez pas l'empêcher, j'étais en prison à Fort Monroe quand il m'a écrit cette drôle d'idée. Beaumar qui t'a demandé ton avis. Ça, c'est tout lui. Tellement attaché à la paix familiale. Et moi, que voulais-tu que je dise ? J'étais derrière les barreaux. J'avais à peine droit aux visites, j'attendais mon procès. Ben, j'étais pas chaud, mais je le laissais faire. J'avoue que je me suis même dit que ça pourrait faire bonne impression devant les Yankees, qu'on finirait par récupérer nos biens une fois que les choses se seraient calmées. Comment comptes-tu t'y prendre ? Tu n'as aucun titre de propriété. Je suis mieux placé pour le savoir. J'ai vu ton frère se débattre pour récupérer ses terres après la guerre. Les généraux Yankees rêvaient de tout confisquer parce qu'il était ton frère. Il réclamait la preuve irréfutable que la plantation de Briarfield était bien à lui et pas à toi. J'entends encore ce fichu colonel Yankee. Comment s'appelait-il déjà ? Thomas, je crois. Ce sera un jour glacial en août, quand on va rendre ses terres à Joe Davis. Quelle bande de salopards. Joseph m'en avait fait cadeau. Briarfield, c'était chez moi et Hurricane chez lui. Il ne nous reste rien. Hurricane est démoli et ma maison est habitée par des nègres, alors que Varina et moi sommes ruinés, coincés dans une petite vie de représentants en assurance. Joseph avait de l'estime pour Ben Montgomery et sa famille. D'ailleurs, ça sort d'où, Montgomery ? Les esclaves n'avaient pas de nom, à part celui de la plantation. Mister. Oh, Ben le père était plus intelligent que la moyenne, c'est évident. Il a même inventé une nouvelle forme d'hélice qui propulsait les bateaux plus vite face au courant. Joseph en parlait tout le temps. Il avait voulu que Ben dépose un brevet. Mais bon, c'était interdit aux négros, les brevets, en ce temps-là. C'est peut-être à cette occasion que mon frère lui a donné ce nom, j'en sais rien. Il leur a vendu combien, la plantation ? $300,000 à crédit, sur 9 ans. Je te dis qu'à mon avis, on ne pourrait pas payer. Eh, les nègres sont les nègres. Faut pas leur faire confiance. Très vite, ils ont prétexté les crues, les insectes qui mangeaient la récolte, pour pas payer. Et mon pauvre frère les croyait, les excusait. Il avalait chacune de leurs explications. Joseph demandait qu'on leur laisse du temps. Il... Ah, mais ne me fais pas dire du mal de Joseph. Il a été comme un père pour moi. J'étais jeune quand le nôtre est mort. C'est Joseph qui s'est assuré de mon entrée à l'académie militaire de West Point. Lui qui m'a présenté Varina. Lui qui m'a offert Briefield. J'ai jamais réussi à me fâcher avec lui. Nos épouses, en revanche... Il était aussi mon ami. Vous êtes si différents, pourtant. Oui. Enfin, peut-être pas tant que ça. Je sais pas. Nous n'avons jamais eu de divergence politique majeure. Il disait d'ailleurs que Ben Montgomery était plus porté sur les affaires que sur la politique. Et ce qui s'est vite vérifié. Quand les Yankees qui occupaient la région ont demandé à Montgomery d'être juge de paix sur la plantation. Il a accepté. Ben Montgomery, juge de paix ? Et crois-moi, ça fait du bruit ici. Les gens trouvaient que c'était vraiment aller trop loin. Et là, tu sais quoi ? Ben a immédiatement démissionné. Il s'est pas accroché alors qu'il avait les armées du Nord avec lui. Il voulait pas de vagues. Il a même dit qu'il n'avait pas vraiment compris de quoi il s'agissait. Il a fait l'idiot. Alors qu'il ne l'était pas. Joseph avait raison. Les Montgomery font des affaires, pas de politique. Ça pourrait même me faciliter la tâche. 27 mars 1867. Jeff, j'ai passé l'accord avec Ben. J'avais auparavant posé les conditions du contrat. 9 ans de crédit avec 6% d'intérêt annuel payable au 1er janvier de chaque année. La dette étant bien sûr assurée par l'hypothèque du bien vendu. Ça marchera si Ben vit. Il est ambitieux, il peut être riche et contrôlera la récolte. La perspective d'une grande crue cette année va ajouter à la détresse du pays et je crains que ce soit inévitable. Mais certains lieux y échapperont. J'espère que Davis Bent y échappera. Tout ça peut te paraître choquant, mais si le pays passe aux mains des radicaux du Congrès et du Bureau des Affranchis, c'est notre meilleure protection contre de futures confiscations. Et si Bent n'arrivait pas à payer, ce ne serait pas tout de suite. Et alors les risques de confiscation se seraient éloignés. Joe. Était-ce juste un moyen d'échapper à l'autorité des troupes nordistes qui occupaient le sud, comme il le laisse entendre à son frère ? Était-ce davantage une expérience ? Joseph Davis est mort 3 ans après avoir écrit cette lettre. Il est enterré sur les terres de Davis Bent, comme il l'avait demandé. Ben Montgomery s'est occupé de tout. La tombe est sous un arbre. S'y gît un drôle de planteur, Joseph Davis, qui acheta une péninsule sauvage, l'assécha, et en fit l'une des plus importantes plantations du Sud. Joseph Davis était un esclavagiste, paternaliste et lettré. Il offrait à ses esclaves un sort un peu meilleur qu'ailleurs, des soins, une nourriture convenable et une certaine autonomie, dont le droit de gagner de l'argent. Et il laissa la plantation entre leurs mains quand l'avancée des troupes nordistes le poussa à s'enfuir. Ben Montgomery était depuis longtemps son bras droit. Il lui avait confié le magasin général, les ventes, puis les achats de la plantation. Isaiah, lui, était devenu un jeune secrétaire. Je ne dormirai plus ici avec vous ? Non, tu vivras là-bas. Mais c'est une bonne chose que M. Joseph te veuille dans sa maison. Il n'a que 10 ans ! et c'est un cadeau de madame à monsieur, à ce qui se dit. Il va recevoir de l'instruction. Il échappera aux gens de coton. C'est une chance, mon fils. Et il faut la saisir. Père avait raison. Monsieur Joseph a tout de suite établi avec moi des relations de grande confiance. J'ai appris à écrire dans le bureau en recopiant des lettres. J'aimais l'odeur de l'encre, le bruit de la plume sur le papier, le soleil qui entrait dans la pièce et faisait briller les reliures des livres. On aurait dit de l'or. Quand nous avons enterré Monsieur Joseph, nous savions que les ennuis allaient commencer. Tant qu'il était là, personne ne contestait sa décision. En tout cas, publiquement. Il était trop respecté. Maintenant, même les nôtres parlent. Ils nous en veulent d'occuper la grande maison. Nous sommes des traîtres à leurs yeux. Nous vivons mieux que la majeure partie d'entre eux. Mieux que beaucoup de fermiers blancs pauvres, surtout. C'est ça qui ne peut pas durer. Que nous vivions mieux que certains blancs. Les voilà. Ils arrivent. Jefferson Davis et son ami, le docteur Beaumard, ont été vus s'arrêtant devant la tombe de Joseph, s'y recueillant tête nue un instant, puis remontant en voiture. Ben Montgomery est sur le porche pour les accueillir. Isaiah le rejoint. Sans s'en rendre compte, il prend exactement la même pose que son père. Un peu raide, les bras ballants, le regard perdu vers l'horizon. Il lui ressemble. Ils ont été façonnés de la même manière, sous le regard protecteur de Joseph Davis, leur maître. On ne lutte pas contre un cyclone. C'est un cyclone que vous voyez venir, père. Peut-être bien. C'est aussi un homme déchu qui n'est plus que président d'une compagnie d'assurance. Un homme blanc qui a construit et possédé la maison où nous habitons. Ce pays est celui des Blancs. Ne l'oublie jamais. Monsieur Jefferson, quel plaisir. Il y a si longtemps. Quand allez-vous, Ben? Au gré des saisons et des récoltes, monsieur. Entrez donc. Vous vous souvenez d'Isaiah? Bien sûr. Si ma mémoire est bonne, jeune homme, la dernière fois vous n'étiez qu'un gamin. Nous partions pour Richmond. Et la guerre était devant nous. Vous étiez bien soucieux alors. Il y avait de quoi. Et voici ma femme, Mary. Bonjour, Mary. Mon fils, Thornton. Et où est Mary Virginia? Mary Virginia apparaît en dernier. Elle descend les marches du grand escalier central. Elle a enfilé sa robe blanche, tiré sur les lacets de son corset, glissé une fleur rouge dans ses cheveux. Jefferson la fixe sans un mot. Il la détaille de haut en bas, non comme un homme, mais comme un maître déchu. À chaque marche qu'elle descend, il a l'impression qu'elle enfonce son talon dans sa poitrine. A-t-elle conscience de la tempête qu'elle inflige au vieux sudiste, de l'inversion des couleurs et des symboles? De quelle manière cinglante elle lui rappelle qu'il a perdu la guerre? Scarlett a aujourd'hui la peau noire. Maintenant, Jefferson mesure l'incroyable révolution que représente l'acte de vente de son frère. C'est une insulte au bon sens, à l'ordre des choses. C'est une trahison. Il tremble, mais n'en montre rien. Tout comme son ami Beaumard. Il serre tout de même mollement la main que leur tend la jeune fille arrivée devant eux. Ils y auraient déposé un baiser si elle avait été blanche. C'est trop leur demander cette fois. Ils auraient pourtant dû se pencher vers les longs doigts noirs et fins de Mary Virginia. Ça les aurait rassurés. Ils auraient vu des mains jeunes mais déjà abîmées. Des peaux mortes au ras des ongles, un durillon sur l'annulaire, des mains qui ont cueilli le coton pendant des années et le cueillent encore parfois. Asseyez-vous. Je suis bien heureux que la maison ait tenu le coup. Davis Bend a vécu des choses terribles pendant la guerre, n'est-ce pas? Il ne reste plus rien de Hurricane, la si belle demeure de Joseph. Heureusement que la mienne, enfin celle-ci, est encore debout. J'ai ouï dire par mon ami Beaumar que lorsque j'étais en prison, deux compagnies de soldats noirs s'y sont installées et ont décrété ici un « Negro Paradise », qu'ils ont découpé les terres en parcelles et proposé à tous les affranchis de s'y établir. Heureusement que leurs supérieurs y ont mis le holà et ont envoyé quelques fermiers blancs. Le paradis pour les Noirs n'a jamais été au programme des Yankees. Si je puis me permettre, les nôtres avaient tout de même de bien meilleures récoltes que ces fermiers du Nord qui venaient s'essayer au coton pour la première fois. Rien que la dernière année de la guerre, 234 ballots de coton et 25 000 dollars de profit à Briarfield. Père trouve que nous parlons trop. Je vois le reproche dans ses yeux. Il a le même regard sombre que ces soirs où Mary Virginia rentre de réunion. J'entends même les phrases qu'il ne prononce pas. Je les connais toutes. Tu rentres tard. Encore la politique, j'imagine. Je ne veux pas que tu fasses de Davis Bent un repère d'activistes. Je n'ai rien à faire pour ça. Les fermiers d'ici veulent rejoindre le parti républicain de Lincoln. Il va s'implanter au sud et lutter pour le droit de vote des anciens esclaves devenus libres. C'est contre-productif, cette histoire de vote. Ça entraîne du conflit, de l'oisiveté plutôt que de l'harmonie. Mais nous voulons être des citoyens à part entière. Nous sommes plus nombreux que les Blancs par ici. Les nouveaux amendements de la Constitution proclament les mêmes droits civiques à tout individu, quelle que soit sa couleur ou sa race. C'est le travail et le business qui font de vous des gens respectés. Ce n'est qu'une étape. Regarde Shade, notre comptable. En étudiant les nouvelles lois, il a réussi à se faire élire shérif. Moi, je te dis qu'à ce train-là, les choses vont mal tourner. D'une manière ou d'une autre, ils vont nous faire payer tout ce qui se passe. Tu t'es évadé, père, il me semble, quand on t'a amené ici les fers aux pieds. Tu as connu la colère. Peut-être t'a-t-elle quitté, mais laisse-moi la mienne, laisse-moi ma colère. J'avais 18 ans quand j'ai été acheté au marché des esclaves de Natchez. Au bout de quelques semaines ici, c'est vrai, je me suis évadé. J'ai été repris. Je me suis évadé encore. J'ai été repris à nouveau. Alors Monsieur Joseph est venu me voir et m'a demandé ce qui pourrait me faire rester. Et c'est cela qui a fait de moi ce que je suis devenu. Mais peu d'entre nous auront la chance de croiser un Joseph Davis, père. Et si tu ne t'étais pas évadé, t'aurait-il seulement remarqué? T'aurait-il posé cette question? Offert cette chance? Ces soirs-là, je les laisse disputer sans réagir. Mary Virginia s'est affrontée notre père. Moi, je lui ressemble trop. Il transpire. La main de ma mère tremble sur la théière. À la façon dont M. Jefferson s'est enfoncé dans le fauteuil du salon, on dirait qu'il a repris possession des lieux, qu'il s'apprête à réclamer sa boîte à cigares. Il a dit « ma maison » avant de se reprendre. Il n'est pas agressif. Pas encore, en tout cas. Que sait-il de nos retards de paiement? C'est aux petits-enfants de M. Joseph que nous versons nos mensualités, pas à lui. Se parle-t-il? Il vaut mieux ne rien dire. Le laisser venir. La défaite l'a terni. À ce qui se dit, il n'a pas été grand stratège pendant la guerre. Plutôt du genre buté. Je ne parle évidemment pas pour vous. Vous, c'est différent depuis longtemps. Qu'aurait été Davis Bent sans vous? Mais je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Pour estimer qu'il était normal que mon frère récupère nos terres. J'enrage qu'il ait dû demander pardon au président Johnson. Vous imaginez, il a dû écrire une lettre pour s'excuser. Mais s'excuser de quoi, grand Dieu? Vous avez raison. Votre frère était le meilleur des hommes et il n'a rien à se faire pardonner. Merci de vous être occupé de ses obsèques. Je n'ai pas pu être auprès de lui dans ces derniers instants et... croyez-moi, ça m'a coûté... Toute cette déchéance m'a tant coûté. J'imagine que vous avez entendu tout ce qui s'est dit sur moi. Que j'avais orchestré le meurtre de Lincoln. Que je m'étais enfui déguisé en femme alors que je n'avais sur moi que le châle de mon épouse. C'était mon valet, James, qui l'avait posé sur mes épaules pour me protéger du froid. Brave James. Il était comme vous. Il n'en avait rien à faire des discours des Yankees qui prétendent vouloir libérer la terre entière. Sommes-nous réellement propriétaires de Davis Bent? Je veux dire, pensons-nous vraiment l'être? Nous comportons-nous comme tels? Parfois, j'ai l'impression que nous agissons toujours comme si M. Joseph nous l'avait confié, pas comme si elle nous appartenait vraiment. Pendant si longtemps, les volontés de M. Joseph ont été nos lois. Pendant si longtemps, nous n'avons eu de responsabilité que vis-à-vis de lui. Aurons-nous la force de nous opposer à son frère? Et s'il faut partir, où aller? J'ai entendu dire que vous connaissez bien ce... Comment s'appelle-t-il déjà, le... Ce négro qui s'est fait élire au poste de shérif. Shade. Ah, oui, ça. C'est l'un des comptables de Montgomery et fils. Il est très doué, très au fait des nouvelles lois. Mais nous restons en dehors de tout cela. La politique ne nous intéresse pas. Les nouvelles lois. Ce sont elles qui ont permis à mon frère de vous vendre Davis Bent. Je ne vous cache pas que j'ai été surpris par cette idée. Mais là où j'étais... Enfin, je préfère ça à ce qu'a vécu mon très cher regretté général Lee. Vous connaissez l'histoire? Lorsqu'il est revenu chez lui à Arlington, sa plantation était devenue un cimetière. C'était une idée de Lincoln pour le punir d'avoir servi la Confédération et pas l'Union. Il a ordonné qu'on enterre tous les cadavres sur les terres de Lee. Oui, il vaut mieux vous qu'un cimetière. Et vous êtes maintenant dans les assurances ? Avec toutes ces inondations, vous devez avoir du travail. Les crues du Mississippi sont redoutables ces temps-ci. Nous en savons quelque chose. Mais vous êtes de redoutables fermiers. À ce qu'on m'a dit, le coton de Davis Bend a été classé parmi les meilleurs du monde à la foire internationale il y a 2 ans. Nous ne pouvons cependant pas faire de miracles. Nous ne pouvons rien contre les crues et les cyclones. Monsieur Jefferson est venu sans message particulier, c'est évident. Il est venu prendre la température, vérifier l'effet qu'il fait sur d'anciens esclaves. Vérifier que Père est toujours cet homme accommodant dont les propriétaires des environs disent qu'il est le meilleur de sa race. Il ne nous écoute pas, ne nous regarde pas. Il ne s'adresse qu'à Père, comme s'il cherchait à lui rappeler un vieux pacte entre eux. Voulez-vous faire un tour de la plantation ? Non, merci, Ben. Vous savez, tout cela est assez éprouvant pour moi. Vous le comprenez, n'est-ce pas ? J'ai connu des jours tellement heureux ici. C'est toujours ici, à Davis Bend, que je suis venu me reposer après le moment difficile. Ma vie de soldat, comme ma vie politique, ne m'ont jamais ménagé, mais il me suffisait de m'asseoir sur le porche, d'écouter le silence de la péninsule, de humer les odeurs de nos champs pour reprendre espoir. C'était un paradis ici, pour moi. Bien sûr, Monsieur Jefferson. Nous n'allons d'ailleurs pas nous attarder plus longtemps. Jefferson Davis et le docteur Beaumard s'éloignent aussi calmement qu'ils sont arrivés, laissant les occupants de la grande maison à leurs doutes, à l'angoissante sensation qu'une bombe à retardement vient d'être déposée chez eux, même si rien n'a été dit. Tout s'est joué et noué dans le creux des silences et des regards. Le compte à rebours est lancé. Qu'allons-nous faire ? Travailler et rembourser. C'est la seule chose que nous puissions faire. Ce soir-là, Mary Virginia écrit dans son journal « Monsieur Davis est arrivé en compagnie du docteur Beaumard. Ces messieurs se sont montrés polis et dans l'ensemble, j'ai apprécié leur visite. » Peut-être qu'au même moment, Jefferson Davis raconte à sa femme Varina la vision d'horreur qu'il eut quand cette jeune fille noire en robe blanche descendit l'escalier de la maison. Ce n'est que 2 ans plus tard, en 1874, qu'il entame une procédure devant les tribunaux pour récupérer Davis Bend. Les vents lui sont favorables. Il a retrouvé les droits civiques dont il avait été déchu. À Washington, les radicaux sont en perte de vitesse. Le Parti démocrate, dont il est membre, véritable bras politique de la domination blanche, a repris le contrôle de la Chambre des représentants. Dans le Sud, des coalitions anti-républicaines parviennent progressivement à récupérer le contrôle des États et à dissuader par la peur les anciens esclaves de profiter de leurs droits civiques. Le Ku Klux Klan a des cellules partout. Davis Bend, incongruité de l'après-guerre, est désormais un vilain abcès à crever d'urgence. Ce ne sera pas difficile. La récession de 1873, les fortes inondations du Mississippi laissent les Montgomery avec de maigres récoltes et dans l'incapacité de verser leur remboursement. Devant la justice, Jefferson ne se prive plus d'attaquer nommément Ben Montgomery, qu'il accuse d'avoir changé Davis Bend en un sanctuaire noir, qu'il accuse même de mauvais traitements en fournissant à la cour le témoignage d'une vieille paysanne de Davis Bend qui dit haïr Ben Montgomery. Ce n'est rien, Isaiah. Il a dû lui verser une jolie somme pour qu'elle témoigne. Après tout, les récoltes sont si mauvaises. Les temps si durs, ne la blâmons pas. Et réjouissons-nous qu'il n'ait pas tous accepté, car il a dû proposer son argent à bien d'autres fermiers autour de nous. Nous aurions de toute façon perdu Davis Bend. Nous ne pourrons pas payer. Partons d'ici et remettons-nous au travail ailleurs. Vous avez raison, père. Partons avant qu'on nous l'ordonne. Il y a des terres pas très bonnes, mais pas très chères, qui sont à vendre du côté d'Ursino. Et tu dis ça, veux-tu ? Et rapidement. Tiens, voilà ton frère, il va t'aider. Thornton, cherchez-nous de nouvelles terres, Isaiah et toi. Je suis vieux, moi, je ne suis plus là pour très longtemps. Que ce qui doit arriver, arrive. Je veux partir au nord, père. Je suis fatigué d'ici. Nous n'y serons jamais libres. Quelle idée, le Nord ! Souvenez-vous de ces 2 ans à Tintinati à la fin de la guerre. Comme nous étions pauvres, comme nous avions froid, comme ils nous payaient mal et ils nous parlaient mal sur le chantier naval. Leurs lois sont peut-être mieux là-haut, mais les hommes, je n'en suis pas sûr. Ne vous fiez pas à la politique. Restez ici, cultivez, investissez, éduquez vos enfants. Tout cela, personne ne pourra vous le reprendre. En devenant planteur et marchand, nous avons fait plus que 1000 discours. Regardez-vous, on dirait que vous n'êtes pas né esclave. Vous avez l'air de gentleman. Vous ne ressemblez pas à l'idée qui se fend de notre race. Et j'en suis fier. Ben Montgomery meurt peu de temps après, en 1877. Un an plus tard, Jefferson Davis remporte son procès. Brearfield est à lui. Personne à part lui n'est venu assister au verdict. L'entreprise Montgomery et Fils est déjà partie, installée à Orsino. Mais pour peu de temps. En 1885, les Montgomery déposent le bilan. La famille s'éparpille. Thornton s'en va finalement au nord. Isaiah et Mary Virginia l'accompagnent à la gare. Mais dépêchons-nous! C'est plus loin au bout du quai, les wagons des gens de couleur! Pas envie de traverser le pays dans celui-là. Ils ont l'air de mordre. Dans le sud, les lois Jim Crow ont légalisé la ségrégation partout. Elles séviront jusqu'en 1964, sans que le pouvoir de Washington n'y trouve à redire. L'élan de l'après-guerre est terminé, il aura été bref. Le Sud a pris sa revanche. J'ai l'air de fuir. Non, tu es libre. Si vraiment le salaire est bien meilleur là-haut, peut-être nous reviendras-tu plus riche et plus fort. Ou peut-être me rejoindrez-vous. Donne des nouvelles, hein, et couvre-toi bien. Et toi, Isaiah, que vas-tu faire? Probablement acheter ces terres dans le Delta. C'est de la New Orleans Texas Railroad Company qui sont à vendre. Nous sommes nombreux, on pourrait s'installer là-bas. Fonder une colonie, bâtir une ville rien que pour nous. Y a rien autour. Viens avec nous. Une ville sans blanc? Oui, rien que pour nous. Bien sûr, nous ne refuserons jamais la présence de blancs en raison de leur couleur. Mais il faudrait vraiment qu'ils soient en sympathie avec nos principes et nos buts pour qu'on les laisse s'installer. Sinon, leur présence gâcherait tout. Ça va ressembler à Davis Bent les dernières années, quand Monsieur Joseph nous l'a vendu. Ce sera mieux que ça. Ce sera vraiment chez nous. Nous allons tout construire. Les maisons, les églises, les écoles, l'hôpital. Le cousin Benjamin va monter une banque. Nous aurons notre circuit économique. D'une manière ou d'une autre, il faut que nous changions ce qui s'est passé ici depuis plus de 200 ans. Mount Bayou, perle noire fondée par d'anciens esclaves de Davis Bent, apparaît sur la carte du Mississippi en juillet 1887. Elle dessine une voie à la fois radicale et modérée. Elle n'exige rien des Blancs, sinon qu'ils la laissent en paix. Tout autour, le plat pays du Mississippi est patrouillé par les milices du Ku Klux Klan. Parfois, les arbres ploient sous le poids d'hommes noirs lynchés. Mais la petite ville se développe, engrange son coton. Elle est un refuge. Elle abrite souvent pour quelques heures ou le dimanche des Noirs qui n'habitent pas là, mais viennent souffler dans ses bars, ses rues sans policiers blancs. Isaiah Montgomery en est le maire. Il est membre du parti républicain fondé par Lincoln. Il sera même l'unique délégué noir à la convention constituante du Mississippi de 1890. Connu et apprécié par les blancs pour ses idées modérées. Et c'est là qu'il commet l'irréparable, ce qui va entacher pour toujours son histoire, pourtant tout entière tournée vers la libération de son peuple. Il vote la franchise électorale, système qui assure à toute élection une majorité de 60% aux blancs, pourtant minoritaires dans l'État du Mississippi. Beaucoup n'ont pas compris ton vote, Isaiah. Beaucoup n'ont pas entendu mon discours. J'ai dit que je voulais bien me plier à la demande arbitraire des blancs. J'ai dit arbitraire. Mais dans l'espoir que la présence même minoritaire de représentants noirs fera progresser la question raciale qui doit devenir un sujet du passé. Tu as la prudence de notre père. Je la comprends. Je l'entends. Mais je suis la seule. Mais qui a créé une ville pour les nôtres? Qui a voulu un hôpital alors que nulle part l'homme noir ne peut être soigné? Qui a voulu des écoles pour que nos enfants s'instruisent? Regarde comme nos rues sont calmes. Comme ici les visages s'éclairent alors que partout ailleurs, ils se ferment tant le monde les brutalise. Je vois tout cela. Toi et moi sommes les enfants de Davis Bend, Isaiah. Mais je ne connais personne parmi les nôtres qui ait vécu pareille expérience. Il n'est plus question d'harmonie raciale. Isaiah Montgomery meurt en 1923. C'est un certain Walter Sellers, un blanc conservateur, qui prononce son élégie. Il le décrit comme le plus grand de la race noire, chose qu'on disait déjà de Ben, son père. Le New York Times annonce son décès et écrit d'une formule lapidaire qu'il avait servi Jefferson Davis comme secrétaire, puis fondé Negro Town. Énorme erreur du journal qui confond les frères Davis. mais la figure de Joseph a déjà disparu derrière celle de Jefferson, l'ancien président des États confédérés. Celle d'Isaiah rejoint celle de l'oncle Tom. Il n'était pas en phase avec l'avenir. Le siècle qui s'ouvre annonce de grandes luttes. Isaiah Montgomery sera une figure honnie et bannie par les militants des droits civiques des années 50 et 60. Seule sa petite ville de Mound Bayou continue aujourd'hui encore de lui rendre hommage chaque année. Là-bas, sa maison vide et délabrée est toujours debout. Et lorsque les volets claquent et que le vent s'engouffre à l'intérieur par les vitres brisées, on croit entendre le fantôme d'Isaiah, si amer à la fin de sa vie. Je me rappelle la bibliothèque de M. Joseph, du soleil qui entrait dans la pièce et changeait en or la reliure des livres, de la promesse que j'y voyais alors, que mon père m'avait faite, et que la vie n'a pas tenue. Bien des hommes désormais ne sont pas nés esclaves, et pourtant leur silhouette ne s'est pas redressée, leur regard n'est pas tranquille. Mound Bayou n'est pas une ville, c'est un refuge, puisque tout autour, les arbres se changent en potence. J'ai sous-estimé la haine que nous inspirons. Je n'avais pas compris que ce qui a été semé dans les champs de coton, l'Amérique n'a pas fini d'en faire la moisson tragique. Davis Bend, Mississippi, quand Scarlett était noire, de Judith Pérignon, avec Isaiah Montgomery, Mexianu Medenu, Ben Montgomery, Modeste Enzapa Sarah, Madame Montgomery, Myriam Tadesse, Mary Virginia Montgomery, Jenny Mutella, Thornton Montgomery, Marcel Monkita, Jefferson Davis, Jean-Marie Vinling, Joseph Davis, Alain Massé, Dr. Beaumar, Daniel Kenigsberg. Bruitage, Sophie Bissans, prise de son montage et mixage, Jean-Richard Dufour et Clotilde Thomas, assistant à la réalisation, Félix Levachier, réalisateur, Cédric Ossir. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Davis Bend avec mon invité Judith Pérignon. Snake Moan de Bror Gunnar Jansson, un blues non pas américain mais suédois sur France Inter dans Autant n'importe l'histoire, à la réalisation Michel Billou assisté de Christiane Alain Favre. La programmation musicale est signée Djoubaka, à la technique Juliette Delperou. Judith Pérignon, c'est vous donc qui avez écrit l'histoire que je viens de raconter, une histoire vraie, passionnante. Alors d'abord, les personnages sont assez extraordinaires. Les frères Davis, d'abord, Joseph l'aîné, le généreux, non dénué d'un certain paternalisme, qui accorde un peu quelques droits, quelques libertés à ses esclaves. Pendant la guerre de sécession, il vend sa propriété au Montgomery. Et l'autre, Jefferson, qui se bat jusqu'au bout pour récupérer ce qu'il considère comme son bien. Ces deux frères sont très semblables et en même temps ils semblent un peu incarner les deux versants des États-Unis, on peut dire ça, quelque chose de libéral d'un côté, héritier des Lumières, et de l'autre l'arrogance, le racisme. Alors d'abord, pour pas oublier, je voudrais dire que cette histoire, je l'ai écrite grâce à Matthew Holden, qui est un historien, un professeur d'université américain qui est né à Mound Bayou. Je pense qu'il voulait rendre à Isaiah Montgomery toute sa complexité. Il a écrit de nombreux articles qui m'ont permis de reconstituer ce moment et cette visite de Jefferson Davis à Davis Bend. Le personnage de Joseph reste un mystère quand même. D'ailleurs, la lettre qu'on peut entendre dans cette fiction, où il parle de façon très pragmatique. Oui, on ne sait jamais. Comme ça, on le récupérera. Voilà. D'ambiguïté, ouais. Donc, il était mort. Donc, il a un peu disparu de l'histoire, puisque son frère reste le personnage saillant de l'histoire. Mais il avait quelque chose, effectivement. Il était très lettré. Il lisait beaucoup. Et y compris un courant assez humaniste américain. Non, européen, plutôt, des auteurs. Robert Owen. Voilà, c'est ça, qui était un industriel, un philanthrope, et qui avait fait en sorte que les enfants de ses ouvriers aillent à l'école. Donc c'était un Anglais. Donc ces gens-là brassaient des choses très contradictoires. On était vraiment, de toute façon, la fin de ce 19e siècle, ici comme là-bas, brasse et fait monter de nouvelles utopies. Et lui, ça sortait de manière... Joseph Davis était un esclavagiste, un planteur. Il n'a jamais eu un mot... abolitionniste. En revanche, effectivement, il avait appliqué sur sa plantation un traitement un peu meilleur qu'ailleurs. Tandis que son frère Jefferson, qui lui passait par là de temps en temps, lui il était beaucoup plus jeune, il avait 10 ou 11 ans de moins, je crois. Il a été soldat, il a fait beaucoup de guerres contre le Mexique, puis après il est devenu sénateur du Mississippi, donc il a beaucoup vécu à Washington, au nord. Lui, c'était plus un homme qui était dans le courant dominant du Sud, quoi, et qui se retrouve président des États confédérés, et donc qui devient une incarnation de la pensée esclavagiste. Autre personnage fascinant, Ben et Isaiah Montgomery, le père et le fils, tous deux nés esclaves, mais qui se sont émancipés, enfin si on peut dire, qui ont appris à écrire, à lire avec Joseph Davis. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne sont pas révolutionnaires. Hein. Ils disent tout le temps qu'ils ne veulent pas faire de politique, ils préfèrent esquiver les coups en misant ce sur quoi ils savent être forts, c'est le business, le travail. Ben oui, parce qu'ils vont croire à une espèce d'harmonie possible entre les blancs et les noirs. Ils ont dans leur vie un homme blanc qui les a plutôt bien traités, qui leur a offert effectivement beaucoup d'opportunités, d'instruction par rapport à ce qu'était la vie de l'esclave moyen. Et qui vont essayer, dans l'après-guerre, dans l'immédiate après-guerre, d'écrire des pages où les blancs et les noirs se réconcilient. Et finalement, ce que dit le père, Ben... À la fois, on n'a pas envie de l'entendre, mais finalement, quand on voit ça d'aujourd'hui, il dit « nous le ferons payer, c'est pas possible, il n'y croit pas ». Il y a un côté très lucide, c'est que, est-ce qu'il ne mesurait pas l'impossibilité ou est-ce qu'il mesurait au contraire ce fossé, cet abîme, ce pays qui s'était construit par l'esclavage, par la haine de l'homme noir. L'homme noir ne s'étant jamais remis dans une vraie situation de citoyen à part entière aux États-Unis encore aujourd'hui. Donc ces deux voix, elles sont intéressantes à écouter pour ça. Alors c'est vrai que les combattants des droits civiques des années 60 ont écarté ces personnages. Isaiah Montgomery est devenu un peu le traître. Une figure unie, l'oncle Tom. Hein. C'était des house niggers, on disait des traîtres, des vendus. Et pourtant, on peut pas enlever à Isaiah Montgomery, et c'est pour ça que Matthew Holden a travaillé sur lui, son envie de voir ses frères, ses sœurs, sa famille, les siens, vivre pleinement leur vie de citoyen aux États-Unis. Il y en a un autre comme ça, qui est Booker T. Washington, qui est plus respecté, mais quand même qui était un leader de la cause noire, mais fils de... un métis, fils d'un blanc, et donc qui essayait de théoriser cette harmonie qu'on n'a jamais connue. La fille, quand même, Mary Virginia, elle est plus révoltée que son père et que son frère. Oui, elle est plus impétueuse. Je pense que elle a une espèce de tempérament beaucoup plus fougueux. Elle va beaucoup aux réunions politiques de ce jeune parti républicain qui s'installe, et elle affronte le père. Mais finalement, elle constatera aussi que l'impasse. Oui. Mound Bayou, cette ville qui a été fondée par Isaiah Montgomery et son cousin, vous l'avez visitée, vous l'avez vue ? Oui, maintenant c'est une petite ville de 1500 habitants. C'est une ville qui a vraiment connu un plein essor après sa création en 1887. D'ailleurs, on l'appelle la Perle Noire parce que le président Roosevelt a arrêté son train et Adi, c'est le joyau du Delta, espérant aussi peut-être que ce pourrait être un modèle. Mais c'est une ville qui a été complètement, qui était cernée d'un monde du Mississippi blanc. Le monde de la ségrégation. De la ségrégation, c'est pour ça qu'on parle des lynchages du Ku Klux Klan et tout autour. C'est une ville qui a été asphyxiée économiquement et qui a... Et qui a fini par péricliter. C'est une toute petite ville maintenant. L'hôpital, je crois, a été fermé il y a quelques années, alors qu'effectivement, c'était le seul lieu du Mississippi où même pendant les années 50, 60, on peut reconnaître ça à Isaiah, un noir pouvait venir se faire soigner. Et la maison d'Isaiah Montgomery? Elle est toujours là, elle est oui comme une petite ruine. C'est un musée, quelque chose. C'est quand j'y suis passée, c'est il y a quelques années. L'idée, c'était d'en faire un musée. J'espère que ça se fera. À la fin donc des années 1870, les États du Sud ont mis en place les lois Jim Crow qui ont fait des Noirs des citoyens de deuxième catégorie, le début du système de ségrégation raciale qui durera jusque dans les années 60. Que reste-t-il aujourd'hui de cette mémoire pour les Noirs, pour les Américains de manière générale ? Je pense qu'elle est forte, c'est toutes ces lois Jim Crow, c'est après tout ce qu'on a vu, c'est les combats, c'est Rosa Parks, c'est Martin Luther King, ils se sont battus contre ces lois, c'est les vraies victoires des marches et des mouvements des droits civiques des années 60. Des enfants, une jeune fille noire qui peut aller à l'université, Rosa Parks qui s'assoit à la place d'un blanc. Ce combat-là est très très prégnant et très important aux États-Unis. On a vu encore ce magnifique documentaire I'm Not Your Negro avec la voix de Baldwin et le texte James Baldwin, l'écrivain noir américain. Voilà, et qui vivait beaucoup à Paris et qui est rentré en disant il faut que je rejoigne mon pays, il se passe trop de choses importantes. Même si son texte est très pessimiste au fond, hein, puisqu'il explique que ces Noirs-là, les Noirs américains ne servant plus à rien, n'étant plus esclaves, est-ce qu'il ne faut pas vraiment, au fond, s'en débarrasser ? C'est lui qui le dit. Donc la question reste posée. Il faut s'en débarrasser, c'est-à-dire qu'il pense qu'il y a une forme de une volonté de, inconsciente, de destruction. Espérons, de destruction. Des Noirs américains. Oui. Et moi, je pense même qu'aujourd'hui, ils sont dans une forme d'autodestruction. Si les prisons sont pleines essentiellement de jeunes hommes noirs, essentiellement, la population noire américaine est rentrée dans une forme d'autodestruction. L'homme noir américain n'a jamais eu un statut. L'homme noir ne s'est jamais senti à sa place, ni vis-à-vis des siens, ni dans la société. Ségrégation de l'esclavage, ségrégation politique, ségrégation économique. Et donc, le stade ultime, c'est l'autodestruction. Merci beaucoup Judith Pérignon, ce n'est pas gai ce que vous dites. En tout cas, cette histoire va peut-être vous inspirer l'écriture d'un livre, je ne sais pas. Non ? Vous ne savez pas ? Je ne sais pas, non, j'ai plaisir à le faire pour vous en tout cas. Merci, c'était un plaisir pour nous. En attendant, je signale votre dernier ouvrage, un polar, qui s'appelle French Uranium, coécrit avec Eva Joly, publié aux éditions des Arènes. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Une émission à réécouter, podcastée sur notre site franceinter.fr où j'attends avec impatience vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Vous pourrez par exemple écouter, si vous les avez manqués, 1942 l'opération Torch, ou Fernande et Pablo Picasso, ou encore Le voyage au Congo d'André Gide. La semaine prochaine, dimanche 28 mai, Le secret du roi au XVIIIe siècle sous le règne de Louis XV, deux agents de Sa Majesté, Louis de la Rosière et l'ambigu Charles Nardin, deux êtres qu'en apparence tout sépare, sont envoyés en Angleterre pour une mission ultra secrète. Une comédie amusante d'espionnage et de travestissement. Le secret du roi, c'est donc dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais juste après le flash, vous avez bien sûr rendez-vous avec Noël Bréham pour État d'esprit. Très bonne soirée à tous.